Chapitre 29e, Darling vivante. Dans la soirée, un commissionnaire apporte à Messie Dan une grande enveloppe. Messie Dan ouvrit cette enveloppe. Elle poussa un cri joyeux et courut auprès de Paulin Broquel lui montrer ce qu'elle contenait. Une lettre de Darling, un portrait de Darling. La lettre disait « Chère maman, sans le gros chagrin d'être séparée de vous, je serai ici très heureuse dans ce beau jardin où des Chinois me gardent et me comblent de joujoux et de douceur. Je vous embrasse bien, vous et mon cher papa. J'espère vous revoir bientôt, Darling. » La photographie montrait la fillette dans un jardin délicieux avec d'énormes poupées, un petit cheval et d'autres enfants chinois qui jouaient avec elle. Alors Miss Eden dit à Paulin Broquet, « Je reconnais là le sentiment de Li Chuma. C'est lui qui est sans doute le gardien de Darling, mais il a voulu rassurer notre inquiétude. Qui est donc ce Li Chuma ?» Miss Eden apprit à son mari que ce Chinois était allié à la famille royale, issu lui aussi de sang céleste. Immensément riche, il avait étudié non seulement dans les mandarinats impériaux, mais dans les écoles américaines et dans les facultés d'Europe. Il était doué d'une haute intelligence et d'une âme admirable. Sa bonté était proverbiale et sa parole considérée comme sacrée. « C'est un homme supérieur, un être d'élite, je crois, » dit Miss Eden, « que les partis politiques gardent pour le trône ou pour la République, pour la première place en tout cas dans cet immense pays. » Miss Eden ajouta, « J'ai eu autrefois occasion de voir Li Chuma à plusieurs reprises dans des voyages en Amérique, car il fréquenta aussi la prairie. Il sut régler diverses affaires délicates, pendant depuis de longues années, entre les marchands chinois, les trappeurs, les diggers et les cow-boys. Il les régla de telle façon que pour la première fois, on vit les deux adversaires satisfaits du jugement. C'est un beau résultat, en effet. Donc, si c'est lui qui garde Darling, nous ne pouvons rien redouter de fâcheux pour elle. Le ciel vous entende, cher ami. » Le lendemain, les recherches du japonais dans le jardin, dans la maison, dans les environs du bungalow, et de même les exhortations de Pagnose à son chien, n'amenèrent aucun résultat. Pourvu, pensait maintenant avec terreur Paulin Broquet, qu'un individu quelconque, qui pourra demeurer absolument inconnu, blanc ou jaune, n'ait pas pris dans la gueule du chien qui arrive la main à la bague. Pourvu que ce ne soit pas précisément pour cela que Pip se montre si peureux et tremble quand même tout le temps, malgré les caresses, dès que son maître lui parle. Pendant plusieurs jours, les recherches ne donnèrent aucun résultat. Dès lors, l'anxiété ne cessa d'augmenter parmi les hôtes du bungalow blanc. Cependant, chaque jour, Miss Eden recevait une lettre de Darling, contenant quelques fleurs et une photographie nouvelle montrant la fillette. Miss Eden se trouvait ainsi peu à peu rassurée sur le sort de Darling, mais elle demandait cependant, « Quand nous sera-t-elle rendue ? Quand reverrons-nous notre Darling ?» Paulin Broquet lui dit, « Cher ami, après avoir tout fait, tout essayé, tout ce qu'il était humainement possible de tenter pour retrouver la main de Fuzi, la bague maudite, nous ne devons plus espérer qu'en la bonne volonté du ciel, en la compassion de la Providence. »